Exercice 2, page 37. A. Avancez, messieurs. B. Tu as lavé la cuisine hier? C. J'ai vu un château ce matin. D. J'ai aidé cette infirmière. E. J'adore ce portrait coloré. F. Les petits poissons dans l'eau.